Section 78 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Alexandre Ivan Card. La lecture, tome 2e. Section 78. Fleur de blé, Noël flamand, par Camille Lemonnier. Chapitre 3. Tout à coup, Monsieur le vicaire, son tricorne sur l'oreille, ouvrit la porte de la boutique et dit à Papa Jens et à Maman Jens qui faisaient leur caisse en mettant à l'épargne les petits sous, les gros sous et les francs. « C'est moi, mes amis. Bonjour, Madame Jens. Je viens voir si Fleur de Blé a mis son petit sabot dans la cheminée. »« Tiens, c'est Monsieur le vicaire !» dit Jens en ôtant sa pipe de sa bouche et en le conduisant dans la petite chambre qui est derrière la boutique. Bonne maman Yann se sera bien contente de vous voir. Dans ce moment, la porte de la chambre d'en haut s'ouvrit et bonne maman Yann cria très vite « Hans, Hans !»« Ah, c'est ça !» dit Yann. « Fleur de blé m'appelle à tout bout de champ pour me parler de Saint-Nicolas. Ces anges-là, montez, monsieur le vicaire. »« Jésus God !» cria bonne maman quand elle les vit. Fleur de blé vient de se lever et elle veut descendre sur la place. Votre bénédiction, monsieur le vicaire. Fleur de blé avait les yeux grands ouverts et elle regardait sans voir du côté des fenêtres. Ma fleur ! Cria Jens comme un fou. Et il remit la fillette dans les couvertures. Monsieur le vicaire, ayant tourné les yeux vers Jens, vit qu'il était pâle comme les draps du lit et que ses mains tremblaient. Fleur de blé ferma doucement les yeux et se rendormit. Mais ses petites mains, transparentes comme une porcelaine dans laquelle brûle une veilleuse, continuaient à faire des gestes vagues sur la courte pointe. « Du courage, Jens, » dit le vicaire en lui posant doucement la main sur l'épaule. « Pensez à notre Seigneur qui a souffert la passion. » Mais Jens, les yeux perdus, regardait son enfant et ne l'entendit pas. Alors Fleur se mit à remuer doucement les lèvres comme si elle parlait tout bas à quelqu'un qui était de l'autre côté de la nuit. Et à la fin, elle prononça ces mots. « Je suis Fleur de Blé, la fille du boulanger Jens qui est sur la place. » Elle se tut un instant et reprit. « Bonjour, toujours jouée, poupée, merci madame. » Sa voix était comme une musique de violon très douce, et tandis qu'elle parlait, un petit sourire pâle ressemblait sur sa bouche à un petit nuage clair qui se fond dans le soir. Jens vit son bras mignon sortir des draps, et elle salua de la main dans le vide, avec un geste lent, qu'elle avait quand elle répétait ses fables et disait « Bonjour, monsieur le corbeau !» Puis, après une demi-heure, Fleur de Blé s'éveilla de nouveau. « Est-ce que Saint-Nicolas n'est pas encore venu ?» demanda-t-elle. « Non, Fleur, » dit Hans, « Saint-Nicolas ne vient qu'à minuit. »« Ah, c'est bien long, » dit la fillette. « Mais il vient de loin et son âne est fatigué. » Papa mettra un fauteuil pour Saint-Nicolas et une chaise pour son âne. Je n'y manquerai pas, dit Jens, et je mettrai pour Saint-Nicolas le beau fauteuil qui est dans le coin et dans lequel s'assoit tante Catherine quand elle vient nous voir à Noël. Et vers 11h, Jens descendit préparer sur des assiettes le Saint-Nicolas de fleur de blé. Il avait acheté une grande poupée qui avait des yeux de nacre, des cheveux frisés couleur de beurre et un corps articulé. Il avait acheté aussi un berceau doublé de satin bleu qui se balançait sur une demi-lune, et il avait payé le tout 15 francs. Il mit la poupée dans le berceau et rangea dans un grand carton la mantille de soie, la robe de barège et le chapeau de peluche rose qui composaient la toilette de la poupée. Et Jens riait en lui-même en pensant à la joie de sa fleurette, un peu de gaieté lui étant revenu de manier toutes ces choses. Il ôta ses souliers, et deux fois monta sur ses bas l'escalier. La première fois pour porter les assiettes de bonbons, la seconde fois pour porter la poupée, le berceau et le carton aux habits de la poupée. Et il disposa le tout dans le réduit qui attenait à la chambre où reposait Fleur de blé. Et Fleur ne cessait pas de dormir. « Je veux voir sa joie tantôt quand elle aura son Saint-Nicolas. C'est pour cela que je reste, » dit Monsieur le vicaire à bonne maman Jens. Mais ce n'était pas pour cela que s'attardait monsieur le vicaire. Il tira de la poche son bréviaire et les lèvres doucement remuées par un marmottement intérieur se mit à lire près de la petite lampe. Mais de temps à autre, monsieur le vicaire regardait Fleur de Blé, et alors il disait en lui-même en fermant son livre, après y avoir glissé le doigt pour ne pas perdre la page. « Seigneur, mon Dieu, prenez en pitié ces pauvres gens !» Fin de la section 78.